Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. En ce moment, c'est une période de record, une période de médailles. Alors, si vous voulez la médaille d'or des danseurs, eh bien, c'est la bonne émission. Vous avez frappé à la bonne porte. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Vous connaissez le titre, évidemment. Elle s'appelle « Danser maintenant ». Évidemment, bienvenue encore. La chanson française, eh bien, c'est Arlette qui vous en parlera de cette chanson française. Et puis l'accordéon, eh bien, lui, c'est le spécialiste. Hein, il s'appelle Christophe Pesset. On va commencer tout de suite cette émission en chanson. Un petit air années 60, et pourtant, une belle reprise interprétée par Alain Morisot et les Sweet People. Violence de nos jeunes amours, tendre insouciance de nos premiers beaux jours, quand le temps nous fait face au ciel de nos 16 ans, c'est notre enfance qui meurt doucement. Douce violence de nos cœurs éperdus, folle impatience des joies tant attendues. Notre vie s'illumine au feu de sa chaleur et l'on fait taire ses peurs. Mon amour, donne-moi des nuits sans sommeil pour qu'enfin nos désirs se rassemblent. Mon amour, guide-moi vers les tendres réveils qui bientôt nous verrons ensemble. Douce violence de nos premiers matins, le monde immense soudain nous appartient, et nos cœurs et nos lèvres voudraient garder toujours la douce violence de notre amour. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Allez, on va retrouver Christophe Pesset et l'accordéon. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Merci Hubert et bonjour à toutes et à tous. Et bien cette semaine, encore un grand nom de l'accordéon, Bruno Lorenzoni. On va écouter et bien des morceaux de Sa Majesté l'accordéon, c'est le titre de l'album. Et pour commencer, et bien Appellation Contrôlée, non, je ne vais pas vous parler de fromage, mais c'est bien le titre du premier morceau que nous allons écouter, Bruno Lorenzoni. Persuadé que Hubert, tu sais danser le rag, c'était ça, Appellation Contrôlée. Tout de suite, eh bien, une petite valse d'Émile Carrara qui s'appelle Vent d'automne. Thank you. Allez, place à la samba, les doigts velours. Dans cette émission, c'est toute l'année, hein, la Saint-Valentin. On va parler d'amour avec Arlette qui arrive dans le studio. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette, je n'ai pas rêvé, on parle d'amour. Bien sûr Hubert, comme chacun sait, en amour, il faut toujours aller au bout de ses rêves. Et Georges Hamel, qui nous vient du Canada, auteur, compositeur, nous le prouve en nous donnant un bon conseil avec cette jolie valse, toute récente, puisqu'elle est de l'année 2009. Au bout de tes rêves, Georges Hamel. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'il te semble un peu fou. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ses failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. La vie parfois semble triste, même dans les plus beaux jours.

Et maintenant, c'est un tango qui nous attend. Quoi de mieux qu'un tango pour se parler d'amour ? Un jour, je te dirai, chanson écrite par André de Badet et Gorny Kramer, interprétée en 1936 par Tino Rossi et reprise aujourd'hui par l'orchestre Tendance. Un jour, je te dirai, Hubert Ledan et à l'accordéon, Éric Colomb. Te dirai, c'est toi que j'aime, alors j'inventerai d'ardents poèmes. Pour toi je chanterai des mots suprêmes. Lorsque je te dirai, c'est toi que j'aime. Des mots suprêmes. Lorsque je te dirai, c'est toi que j'aime. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Oh oui. Il y a tellement de chansons d'amour. C'est sûr. Alors, pourquoi se priver ? Non. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir Hubert. Merci Arlette pour ces belles chansons d'amour. À la semaine prochaine. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Et justement Arlette, hey, quand reviendras-tu ? Quand le jour se lève, je me réveille sans toi. Dans mon cœur, je me dis que là-bas, et peut-être au même instant, tu penses à moi. Je t'aime. Petit matin, blafa, cafa, et toujours envie de toi. Je savais que ça serait galère, mais ma vie sans toi c'est devenu l'enfer, misère. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air, mais y a comme un changement dans l'atmosphère. Je t'aime. Et ces mots d'amour ne parlent que de toi. Problème, je t'aime. Cette émission, il y a toujours un accordéon. Que je défaille, car vous me rendez fier, aujourd'hui plus qu'hier, de Paris à Toulon, au soufflet du champion. Y a toujours un accordéon qui vient chanter dans ma tête, des petits airs sans contrefaçon, des rengaines, des romances. Y a pour tous un petit chemin que l'on fait avec un refrain. De Ginger à Becker, on chante sur le même air. La musique n'a pas de frontières. Bourville à Nicordy, sur une route fleurie, y a toujours un accordéon. Dans un trait de lumière, pour la beauté du geste, vous me donnez de la tendresse. La fausse aux musiciens, c'est de la vie pour demain qui s'écrit en rouge carmin. Laissez-moi vous chanter l'histoire que j'ai rêvée, une vie de patachon sur la boîte à boutons. Y a toujours un accordéon qui vient chanter dans ma tête, des petits airs sans contrefaçon, des rengaines, des romances. Y a pour tous un petit bout de chemin que l'on fait avec. qu'un refrain. De Jean-Mer à Sablon, on danse en tourbillon. Le temps ne passe qu'en chanson. Julien Clerc ou Souchon, ou bien Éric Colomb, y a toujours un accordéon. Jean-Mer à Sablon, on danse en tourbillon. Le temps ne passe qu'en chanson. Julien Clerc ou Souchon, ou bien Éric Colomb, y a toujours un accordéon. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Et on va danser aujourd'hui le cadencé. Ça c'est bon, Jérôme Robert évidemment. Les bandes à ce son-là, hein. Attention, ça va bouger beaucoup avec un titre qui s'appelle Madeleine. Et puis juste après, on retrouvera la suite de la rubrique de Christophe Pesset. Thank you. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Vous pensiez en avoir fini avec moi? Eh bien non, me revoilà, toujours Bruno Lorenzoni. Alors maintenant, eh bien, on va écouter un passo doble. Préparez-vous ensuite, eh bien, pour une valse, et puis on terminera bien sûr avec une petite polka. Pour commencer, eh bien, Feria Sevillana. Une très belle composition pour continuer avec Azola, la fête des As. Place à la valse. We'll be right back. On peut dire que ça tourne. En tout cas, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, Perles d'accordéon, composition d'Yvette Horner. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ludan. Vous êtes amoureux, ça tombe bien, voici un boston rien que pour vous, ça s'appelle le boston des amoureux. Il se danse avec les yeux. Le boston des amoureux, il vous tend les bras, vous parle d'amour doucement, amour de velours. Il est né dans un grand bal aux Amériques, de sous l'archer d'un merveilleux joueur de violon. Il a traversé mers et océans pour faire danser les amants. Vienne, Paris, via Luxembourg, le Boston valse toujours. Son air si léger rend les gens heureux. C'est le Boston des amoureux. Lentement, il tourne à sa cadence. à petits pas, on se laisse étourdir un peu en prenant son temps sur trois petits tours. Il nous invite à l'amour. Il se danse avec les yeux. Le Boston des amoureux. Il vous tend les bras, vous parle d'amour. Amour de velours, c'est le Boston des amoureux. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Il est malheureusement l'heure de se dire au revoir. On se retrouve évidemment dès la semaine prochaine, même station, même heure. Je compte sur vous, hein, tout simplement. Merci pour votre fidélité. D'ici la semaine prochaine, eh bien, passez de très bons moments. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. On se quitte avec cette belle chanson. Elle s'intitule « La chanson de Prévert ». Vous connaissez cette chanson, c'était Gainsbourg qui chantait ça. Voici la version tendance. Au revoir. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Amours mortes en auront fini de mourir. Sorgia FM, Sorgia FM.